Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679 33 39. On va parler de golf. La semaine passée, le golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard, a bien fait. Il a remporté son premier tournoi chez les professionnels à Rimouski. Il est revenu de l'arrière et il l'a remporté. Question de savoir un peu comment que ça se passe, comment que ça s'est passé. On le rejoint. Salut Pierre-Alexandre. Salut Daniel. Pierre-Alexandre, ça a super bien été. C'était un tournoi qui n'était pas nécessairement facile et tu es revenu de l'arrière. Exactement. On a joué le terrain du Bic Rimouski. Un terrain que c'était la première fois que j'avais à faire face. Terrain super super beau. Qui était vraiment mon œil, qui ressemblait un petit peu à un parcours comme Chibougamau. Okay. Côté de la texture des greens, puis fait que je me sentais un petit peu à la maison là, sur ce parcours. OK. Donc et puis t'es revenu de l'arrière aussi dans ce cas-là, là. Exactement. J'ai joué une ronde de moins deux. Comme première ronde, dans des conditions quand même relativement difficiles. Beaucoup de vent, on n'a pas eu des rafales jusqu'à 60 km/h durant quelques trous. Mais j'ai su garder le cap, fait plusieurs bons roulés qui m'ont permis de garder le momentum, puis d'enregistrer un moins deux, puis d'avoir trois coups d'arrière après une ronde. Okay. Puis dernière ronde, le leader était moins cinq, j'avais trois coups de retard, donc j'avais pas la pression du leader. Je pouvais me concentrer vraiment à avoir un bon départ, puis c'est exactement ce que j'ai réussi en faisant un moins 5 après 8, deux journées consécutives. Donc, c'est vraiment le premier 9 là, qui me fait remporter là, ce tournoi-là. OK. Donc, puis j'imagine quelqu'un qui a beaucoup de vent, il faut savoir bien contrôler puis comment jauger avec ça aussi. Là. Exactement. En fait, cet hiver en Floride, c'était une saison qui a été très venteuse. Okay. Donc, ça m'a permis là, de pouvoir pratiquer ces coups-là, des coups qui ont des trajectoires très basses, qui tournent pas beaucoup. Donc, ça a été vraiment un bel avantage pour moi. Je me suis servi de ça et ça a payé au bout du compte. OK. Le calibre est-tu fort? Le calibre 15e Pro Tour, on peut-tu dire que c'est un des meilleurs circuits au Canada ou sinon le meilleur? Exactement. C'est sûr qu'il y a le circuit canadien là, avec le McAllister, mais c'est un circuit qui compte très, très peu de Canadiens. Donc, présentement, c'est le circuit qui a le plus de Canadiens. Il y a quand même une bonne achalandage sur le circuit. Les joueurs sont quand même très, très bons. Beaucoup d'expérience, en fait, sur ce circuit-là. Puis, cette semaine, au BIC, là, il y avait des joueurs comme Kevin Fortin-Smore qui était présent. Des gars comme Mac Gilbert aussi qui joue sur le circuit canadien. Donc, il y avait vraiment un très, très bon field de joueurs. Puis c'était vraiment un honneur puis de gagner ce tournoi-là, en fait, là, à travers de ces joueurs-là. Ça va me donner beaucoup de confiance pour le futur, là, le futur rapproché là, dans les prochains tournois. C'est sûr que ça va te donner beaucoup, beaucoup de confiance. Là, c'est Hawkesbury la semaine prochaine, cette semaine. Est-ce que c'est un circuit que tu connais beaucoup? C'est un terrain que je n'ai jamais fait non plus. OK. Ça va être une première expérience pour moi, mais je suis avec d'autres golfeurs présentement là, qui connaissent très bien le parcours. Donc, ils m'ont donné quelques conseils là, pour ce tournoi-là. Il va se dérouler mercredi, jeudi. Là, présentement, je suis parti sur la route pour un environ de 10 jours. Je vais jouer un autre tournoi à Montréal la semaine prochaine à Glendale. Deux tournois dans la même semaine consécutive. Donc, deux tournois avec une bourse de 40 000 $ en jeu, deux tournois nationaux. Donc, le calibre va être un petit peu plus relevé, un peu plus de gens de l'Ontario qui vont être présents. Mais ça va être encore une fois un bel endroit pour moi là, de faire encore mes preuves puis de montrer là, que je peux jouer encore du très bon golf. Sur un tournoi de deux jours, est-ce que c'est plus. La préparation est la même? J'imagine qu'on se prépare pas de la même façon. Hein? C'est sûr que c'est différent. C'est sûr que c'est un mindset un petit peu différent, moins long. Ouais. On doit performer, en première partie de tournoi. C'est sûr que les erreurs coûtent un petit peu plus cher, coûtent le double, moins le temps de se reprendre. Pour moi, ça a vraiment payé là, à Rimouski un tournoi de deux rondes. Mais présentement, là, les prochains tournois, c'est beaucoup de tournois de deux rondes. C'est vraiment des belles préparations là, pour les tournois majeurs qui s'en viennent pour nous en juillet et à août. beaucoup de tournois de 4 rondes, dont le Circuit Canada Pro Tour qui accueille le Mackenzie Tour cette année à Montréal, un nouveau tournoi sur le Circuit Canadien. Ça va être. C'est vraiment une belle préparation pour est-ce moi. Est-ce qu'on peut se dire que peut-être que le Canadian Pro Tour, on a augmenté les bourses cette année, donc on a de meilleurs golfeurs? Exact. On est rendu à 1 million de bourses monsieur, chemin. Okay. Je crois que c'est une augmentation de 33% là, sur le circuit qui est dirigeant, avait l'air de dire. Okay. Donc, ça accueille de plus en plus de bons joueurs. Cet été, on va voir probablement quelques Américains là, en bordure des lignes qui vont venir jouer dans le tournoi. Donc, le calibre va être relevé. Mais c'est juste bon pour moi. Mm. Ça me permet de jouer avec des meilleurs joueurs, puis justement encore de prendre l'expérience dans tout ça. Mm. Puis pour que je puisse un jour réussir à gagner ma vie dans la deuxième. Justement, si on parlait de ta vie, j'en ai parlé avec Michel Lallemand l'autre jour. J'en ai parlé avec ton père en dehors des ondes aussi. Y a-tu moyen, j'imagine, c'est beaucoup de dépenses, j'imagine, pas beaucoup de revenus. Là, c'est sûr, tu as gagné un beau tournoi, une belle bourse. Mais y a-tu moyen, sur le circuit, ce que tu fais, ce que tu joues, de gagner honorablement sa vie? Je parle d'un 40, 50, 60, 70 000 par année. Exactement. C'est sûr qu'il y a quand même plusieurs gens qui ont gagné leur vie dans le domaine du golf sans nécessairement jouer sur le PGA Tour. Okay. Plusieurs beaux circuits en Europe. Le circuit canadien, d'ailleurs, aussi, qui est un excellent circuit avec beaucoup d'argent en jeu. Présentement, on parle de 12 tournois, totalisant des bourses autour de 175 000 $ par tournoi. Donc, c'est sûr, ça, c'est attrayant. Le circuit du web.com aussi, que les meneurs font environ entre 400 et 500 000 $ par année. Ceux qui gardent leur carte réussissent à faire en haut de 100 000 $ avec les commandites. Ils n'ont pas beaucoup de dépenses rendues à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que, personnellement, là, c'est des trucs envisageables. Je crois, là, j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Puis, la game est très bonne. Je suis bien entouré. Des bonnes personnes autour de moi qui me permettent d'avancer aussi, d'avancer beaucoup. Puis, je pense qu'un jour, je peux réussir à gagner ma vie là-dedans. Puis là, tu as le statut de travailleur autonome aussi. Donc, toutes tes dépenses sont, j'imagine, déductibles d'impôts. Ouais, pas à 100%, là, c'est plus autour de 50%, mais c'est quand même que je dois justement suivre, puis non, c'est sûr que c'est de l'aide là, pour moi. OK. Ben, Pierre-Alexandre, on va te surveiller à partir de mercredi à Hawkesbury, puis évidemment, tout le mois de juin, on va être avec toi. Un gros merci, Daniel. Pierre-Alexandre Bédard, le golfeur de